Connaissez-vous les flammes de l'espoir? À la fin de l'année 1978, lorsque les patrons de la sidérurgie lorraine ont décidé de fermer les usines du bassin de Longwy-Villerue, les syndicats ouvriers, les enseignants et les parents d'élèves ont voulu exprimer leur colère d'une manière originale. Ils ont alors décidé de reprendre à leur compte la tradition des flammes de l'espoir, née dès la fin du XIXe siècle pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. La dimension symbolique de cette manifestation était évidente. Les patrons avaient décidé de faire la guerre aux ouvriers et celle-ci risquait de faire beaucoup de victimes, elle aussi. Le républicain lorrain avait d'ailleurs donné le ton dès le 13 décembre 1978 en choisissant comme titre de la une qui barrait toute la première page « Usinor frappe Longwy à mort ». Le 24 janvier 1979, toute la population du bassin se rassembla sur la place d'Arche de Longwy-Bas sous la banderole « Vivre, travailler et décider à Longwy » que la mairie avait accrochée sur sa façade et qui resta en place pendant les 8 mois que dura la mobilisation contre ce plan de restructuration. Cette manifestation fut le point d'orgue d'une démarche ayant mobilisé pendant plusieurs semaines les milliers de parents et d'enfants qui s'étaient transmis la flamme de l'espoir d'école en école. J'ai sous les yeux l'une des nombreuses photos prises lors du rassemblement du 24 janvier. Ce qui frappe, quand on l'examine attentivement, c'est le caractère fortement métissé de la foule regroupée sur cette place. Diversité des apparences physiques, mais aussi diversité sociale, puisqu'on y voit des hommes, des femmes, des enfants, des ouvriers en bleu de travail et des cols blancs en costume de ville. Tous scandent d'une même voix « Nous voulons vivre, travailler, étudier au pays ». Au premier plan de cette photographie, on distingue 2 enfants. Une fille et un garçon revêtus du costume lorrain traditionnel. Et en surimpression, un gros titre, CGT par notre lutte Longwy Sidérurgie vivra. Depuis longtemps, la flamme de l'espoir s'est éteinte dans la région, car toutes les usines ont été fermées. Mais il n'est pas inutile de rappeler aux experts qui déplorent aujourd'hui la désindustrialisation de la France que les principaux concernés, que ce soit à Longwy ou ailleurs, se sont mobilisés en vain pour qu'elles ne se produisent pas. L'autre raison qui m'a incité à centrer ma chronique d'aujourd'hui sur cet événement, c'est que je voulais expliquer comment peut naître une vocation d'historien. Même si on ne me voit pas sur cette photo, j'étais présent sur la place d'Arche avec mes élèves, car j'enseignais alors dans un collège de la banlieue de Longwy. Les dizaines de milliers de personnes qui s'étaient mobilisées ce jour-là étaient issues dans leur grande majorité des vagues successives d'immigration grâce auxquelles la France était devenue l'un des premiers producteurs mondiaux de fonte et d'acier. Pourquoi avait-il choisi de défiler derrière 2 enfants revêtus du costume folklorique lorrain, l'un des symboles du nationalisme barésien? C'est à cette question que j'ai voulu répondre dans ma thèse en cherchant à comprendre ce que signifie l'intégration quand on appartient aux classes populaires.